Book 2 واحد وسبعون Soixante et onze. إرادة شيء Vouloir quelque chose Vouloir quelque chose ماذا تريدون Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? هل تريدون أن تلعبوا كرة قدم؟ Est-ce que vous voulez jouer au football? Est-ce que vous voulez jouer au football? هل تريدون أن تزوروا أصدقاء؟ Est-ce que vous voulez rendre visite à des amis? Est-ce que vous voulez rendre visite à des amis? يريد Vouloir Vouloir لا أريد أن أأتي متأخرا Je ne veux pas arriver en retard Je ne veux pas arriver en retard لا أريد أن أذهب إلى هناك Je ne veux pas y aller. Je ne veux pas y aller. أريد أن أذهب إلى البيت. Je veux aller à la maison. Je veux aller à la maison. أريد أن أبقى في البيت. Je veux rester à la maison. Je veux rester à la maison. أريد أن أكون لوحدي. Je veux être seul. Je veux être seul. هل تريد البقاء هنا؟ Veux-tu rester ici? Veux-tu rester ici? هل تريد أن تأكل هنا؟ Veux-tu manger ici? Veux-tu manger ici? هل تريد أن تنام هنا؟ Veux-tu dormir ici? Veux-tu dormir ici? هل تريد أن تغادر غدا؟ Voulez-vous partir demain? Voulez-vous partir demain? هل تريد أن تبقى حتى غدا؟ Voulez-vous rester jusqu'à demain? Voulez-vous rester jusqu'à demain? هل تريد أن تدفع الحساب غدا فقط؟ Voulez-vous régler la note seulement demain? Voulez-vous régler la note seulement demain? أتريدون الذهاب إلى الديسكو؟ Voulez-vous aller à la discothèque? Voulez-vous aller à la discothèque? أتريدون الذهاب إلى السينما؟ Voulez-vous aller au cinéma? Voulez-vous aller au cinéma? أتريدون الذهاب إلى المقهى؟ Voulez-vous aller au café? Voulez-vous aller au café?